Best. temps de mes jours, je me suis donné à toi, Andy. Amène-moi au paradis. Le cœur a ses raisons, et la raison même ignore. L'autre fois, je fus l'oiseau rare. Andy, t'as conquis mon cœur. Je pleurais ta présence, car ta photo est innocente. J'ai fait ma vie dans ta cadence. Je suis à ton intense. Au carrefour du destin, seul tu m'as laissé cœur en flamme. Préférez bien nourrir mon âme et effacer mes chagrins. Au carrefour du destin, seul tu m'as laissé cœur en flamme. Préférez bien nourrir mon âme et effacer mes chagrins. Le retrouvaille, vraiment ça fait du bien, c'est retrouver quelque part. Fond de mon amour, pour le restant de mes jours, je me suis donné à toi, Andy, amène-moi au paradis. Le cœur a ses raisons, et la raison même ignore. L'autre fois je fus l'oiseau rare, Andy t'a conquis mon cœur. Je pleurais ta présence, car ta photo est innocente. J'ai fait ma vie dans ta cadence, je suis à ton attente. Au carrefour du destin, seul tu m'as laissé cœur en flamme. Préférez bien nourrir mon âme et effacer mes chagrins. Au carrefour du destin, seul tu m'as laissé cœur en flamme. Préférez bien nourrir mon âme et effacer mes chagrins. Si tu savais combien je t'aime malheureuse, à toi Andy je m'évoue. Si tu savais combien je t'aime malheureuse, Andy je m'évoue. Et toi que j'implore, j'implore à tes côtés, je suis bien heureuse. Avec tes retrouvailles, Andy, c'est la pagaille. Avec tes retrouvailles, Andy, c'est la pagaille. Si tu savais combien je t'aime malheureuse, à toi, Andy, j'aimez-vous. Si tu savais combien je t'aime malheureuse, à toi, Andy, j'aimez-vous. Et toi, à tes côtés, je suis bien heureuse. J'implore, à tes côtés, je suis bien heureuse. Vailleur, Andy, c'est la pagaille. Avec tes retrouvailles, Andy. Samba. Je t'aime malheureuse. À toi, Andy, j'aimez-vous. Et toi que j'implore. À tes côtés, je suis bien heureuse. Avec tes retrouvailles, Andy, c'est la pagaille. Avec tes retrouvailles, Andy, c'est la pagaille. Avec tes retrouvailles, Andy, c'est la pagaille. Bye-bye. petite Fanny loco les trop filante ninga na salite photo mesa na lelo c'est pour la cola camote maluco sute merena simba ki magique Fanny elo samona Oh! Maloba na kotinda kana bato Ikana na koko mata boiso na bato Soki ye koko maka Yo me kozongisa ataye ano Mosika yo zali rapi Pasina motema Lo melanga binga pi Mabanjele kinzoto Napina la la wapi Mwana mama Mokiliza isolo nyongo papa Songelanga yo wa motema papa Banza tena na siliki Na leli mana miso oh, oh. Na bunga kiliboso Mokibieza li solo nyoko papa Kleshe mon amour Kleshe li amour Kleshe mon cœur Lomi la la dina bii Napina la la wapi Mwana mama Mokili ezali sonyo papa Songelanga yo wa motema papa Kobanza tenga na siliki Naleli mana miso Na bunga kiposo Moki zali solo nyomo papa Yombe kakaka zoka Moto nyoso ako bunga ka Milo banga ya kumisa kiyo siliki Yombe nizo toko Longo la motema dinama wa mosika yokei Nani akubatela pola pisa lo songa kwaza Olingo etumbu, nzamba pesa na mokili Bae mabanda ya ngoba kenda mbiso nasi Yome kakaka osoma, moto nyoso hako bumaka Ilo bangala kilisa kiyo siri kiyo peki nzoto kei Yolongo la monte matina mawa na pari ozali Nani akubate la buli monga pisa lo soba bafa Zamba pesa na mokili Bae mabanda ya mboka kele Soto enasi Chibre mori bien Écoute jardin, nos deux vies s'étaient l'une à l'autre données, toutes pour toujours. Et voici que nous les reprenons, et nous allons partir, chacun avec son nom. Pour commencer, et pendant quelques temps, et puis quoi, les choses qui pardonnent. Et il y aura toi, et il y aura moi. Et nous serons parmi les autres deux personnes. Déjà, tu vas entrer dans mon passé. me rencontrerons par hasard dans les rues. Je te regarderai sans traverser. Et puis, nous resterons sans nous voir de l'ennui. Des amis te donneront ma vie. Comment va-t-elle? Reprends ton ennui. Et moi, près de toi, je reprendrai ma solitude.